Dis-moi ton nom, bonhomme. Wayne Grove. Vous bossez toujours ensemble à ce qu'on dit? Ouais, tout le temps. C'est vraiment une équipe soudée, hein? Très soudée. Ouais, si ça fonctionne, je crois que je remplirai encore un coup. Ouais, je vais faire blanc, d'accord? On veut fort pas son pain. Ici, la race met des baffes. Chez moi, les bananes sont pas. Je vais être cru comme une peine pleine, remplie de blême, on se plaint pas. Par terre, je préfère prendre perpète. Même au fond du trou, moi je perds pas. T'as des gains, tes plans me laissent perplexe. Sans vice, la rue ça paye pas. Parle pas d'armes si tu plaintes. Fais pas comme ton rappeur, cette taille. Rap serait du shit, en pont serait salope. Des grossistes qui clip pour scalape. En équipe, pourtant je marche solo. Tu grimpes en sus, en seul, j'escalade. Que des scanners, donc dans ce cas-là, on va scaler. Faire du ska et manger avec leur vécu de skeg. Nous toute l'année pour de la merde, on se canarde. J'en ai tellement à l'appel, des refrains qui manquent à l'appel. Délibéré est en cours, vu que je suis à Versailles, je vais faire appel. Juste un pénaf, je fais la paye au porte-clés. Perpétuité en cellule, j'ai pas perdu de temps, j'ai gratté jusqu'à plus d'idées. Bon vieux, faut que je brasse en balle, faut tous les jours ma paix. C'est moyen de soigner mes plaies. Comment venir en paix, je vois que des bataradés. Je ramène personne, je vais régler, c'est le blème pro. On risque pas plusieurs mandats de dépôt pour un Wengo. Soir je suis qui est, faut que je remplis. Je vois la quai des briques en quai. Je prends la 1 à 2 10. J'ai pas besoin de dire que je suis la rue, je l'empêche. Ou Kara cannabis, je suis dans tes rêves qu'avec des humains pressons. Criminel réseau comme NS, on craque pas sous pression. Bon vieux, faut que je brasse en balle, faut tous les jours ma paix. C'est moyen de soigner mes plaies. Comment venir en paix, je vois que des bataradés. Je ramène personne, je vais régler, c'est le blême pro. On risque pas plusieurs mandats de dépôt pour un Wengo. Capitaine à bord, c'est moi qui gère le navire. Suiveur jamais de la vie, on salit les mains pour pas que le business chavire. Faut pas que tu gênes ma vue. T'as peine touriste, la fais comme une javet. Pris des risques, vie des rêves, je la veux. J'suis un bon vieux, je vais pas lâcher l'affaire. Ça paye pas, je retape sans chaîne F. Bon vieux, faut que je brasse en balle, faut tous les jours ma paix. C'est moyen de soigner mes plaies. Comment venir en paix, je vois que des bataradés. Je ramène personne, je vais régler, c'est le blême pro. On risque pas plusieurs mandats de dépôt pour un Wengo. Wengo. Bon vieux, faut que je brasse en balle.